Auditrice, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de RGM, émission calendrier des esclavages et des libérations. De quoi sera-t-il question ce soir? Eh bien, l'avenir en commun, d'abord. Ensuite, le média nous parlera de la retraite des éditocrates parasites. De la retraite et des éditocrates parasites. Et puis, il sera question de la vie de Ambroise Croizat, père de la Sécurité sociale. Et puis, on parlera de l'enfouissement des déchets nucléaires, bien sûr, hein, à Bure. Macron, président des riches, 43 milliards de cadeaux. Hein. Là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui nous donnera son point de vue, le point de vue qu'il a donné à l'Assemblée nationale, hein, sur ce sujet. Ensuite, pourquoi la France intervient au Mali? Et puis une revue de presse, et puis voilà, et il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, et une bonne semaine. Voilà, au revoir. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 20 janvier? Eh bien le 20 janvier 1848, au Danemark, les radicaux demandent une constitution. En 1877, en Autriche, la fondation du journal Der Gewerkschaftler, le syndicaliste. Ensuite, en 1885, en Autriche, encore promulgation de la loi sur les anarchistes, mais en réalité, c'est le mouvement ouvrier qui est visé. Ah oui, il y a les choses qui apparaissent et puis les choses qui sont cachées derrière. Bien sûr, on influence les gens. 1924, Chine, à Canton, congrès du nouveau Kuomintang, parti national du peuple, des communistes entrent au comité central. 1936, en Syrie, grève générale contre le mandat français. Les entreprises françaises sont boycottées. La répression fait 60 morts et des centaines de blessés. Mais les autorités françaises sont obligées de négocier. 1942, Allemagne. Lors de la rencontre dite du Großen Wannsee, sous la présidence de Heydrich, les chefs nazis décide d'appliquer la solution finale, entre guillemets solution finale, au peuple juif, c'est-à-dire de parachever le génocide. 1972, Afrique du Sud. Dimanche sanglant, la police tire sur des immigrés noirs faisant 9 morts. 1973, Guinée-Bissau. Assassinat à Conakry d'Amilcar Cabral, fondateur et chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Il se disait un simple africain qui a voulu payer sa dette à l'égard de son peuple et vivre son époque. 1981, Iran, USA. Après 444 jours de détention, les otages américains de l'ambassade des USA à Téhéran sont enfin libres. 1982, France. Premier accord sur la semaine postée en 5 équipes. Signé entre la direction BSN et les syndicats. 1983, France. Conflit de l'automobile. Le travail reprend à l'atelier de peinture de l'usine Renault de Boulogne-Billancourt. À Flins, dans les Yvelines, en revanche, la grève bouchon des peintres au pistolet continue. L'avenir en commun. Introduction de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle. Notre pays est neuf. L'urbanisation accélérée et le métissage de sa population depuis un siècle, l'élévation fantastique du niveau d'éducation de son peuple, la mise en œuvre des conquêtes sociales l'ont métamorphosé. Notre pays est jeune. Sa population sera bientôt la première en Europe.

première statistique qu'on a, 1750, l'espérance de vie est de 22 ans. En 1862, quand Victor Hugo publie Les Misérables, l'espérance de vie des Français, je vous donne la moyenne homme-femme, elle est de 37 ans. En 1900, elle est de 45 ans. À ma naissance, en 1951, hélas, l'espérance de vie des Français... L'espérance de vie des Français est de 62 ans. Statistiquement, je ne serai pas avec vous ce soir. Aujourd'hui, les chiffres viennent de sortir, c'est 79 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Donc il faut un QI de bulot pour ne pas comprendre qu'on est obligé d'augmenter la durée de cotisation. Luc a raison quand il dit... Ça fait deux fois que tu dis que j'ai raison, fais gaffe parce que ça va se terminer. Moi je suis un vrai libéral. Il faut un QI de bulot pour ne pas comprendre qu'il faut augmenter la durée de cotisation. C'est à peine la rentrée des éditocrates et le philosophe Luc Ferry vient déjà d'insulter sur LCI les deux tiers de Français qui ne font pas confiance au gouvernement pour sa réforme des retraites à venir. Revenant de leurs longues vacances d'éditorialistes, les membres du petit monde des donneurs de leçons ont repris leur strapontin pour commenter l'actualité et surtout faire le SAV de l'action de Macron. Les vacances ont dû faire du bien à Ferry. L'hiver dernier, il exigeait que la police tire à balles réelles sur les gilets jaunes. Là, il aimerait simplement que ces derniers meurent à leur poste de travail. Face à lui, Daniel Cohn-Bendit, fidèle au poste, commente à son tour la réticence des membres du bas-peuple face à une réforme qui va les faire travailler plus longtemps et toucher des pensions plus faibles. Il y a une logique, elle n'est pas acceptée par la majorité de la population, quel que soit le pays. Les enfoirés de Gaulois réfractaires ne sont donc pas une exception. La plupart des peuples de la planète ne comprennent pas que des technocrates, éditocrates et politiques leur sucrent une conquête sociale pour laquelle leurs ancêtres se sont battus, afin, comme le disait le fondateur de la sécurité sociale Ambroise Croizat, que la retraite ne soit plus l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Les Belges sont même parvenus à remettre en cause la réforme de leur gouvernement. Il y a donc de quoi affoler nos propres bourgeois. La logique dont parle Cohn-Bendit, c'est une stupide équation technocratique inventée au cours des années 90 et qui consiste à dire que pour que le système de répartition reste finançable, il faut forcément réduire la voilure et indemniser les gens moins tôt. Une sorte de fatalité budgétaire, en somme, qu'il est grand temps de faire accepter au peuple à coup de pédagogie et, le cas échéant, de gaz lacrymo. Or, cette équation est fausse. Elle fait totalement l'impasse sur les autres leviers possibles pour rendre le système durable. Augmenter les cotisations, faire payer davantage les entreprises pour répartir la richesse, faire payer les grandes fortunes par une contribution sociale dédiée, ou tout simplement contraindre le patronat à augmenter les salaires et aligner celui des femmes sur celui des hommes, et ainsi augmenter durablement le volume global de cotisations. C'est de dire si on paye les femmes comme les hommes, à compétences égales, et tout le monde le souhaite, évidemment ça engendre des cotisations supplémentaires, donc on peut faire partir les gens à 60 ans et c'est financé. Sauf que c'est vrai... au moment où nous parlons, parce que les femmes qui sont à la retraite et qui seront payées, eh ben, elles ont des petites retraites parce qu'elles ont eu des petits salaires pendant leur carrière. Le jour où les femmes bien payées arrivent à la retraite, ça explose en vol. Et au passage, si d'un seul coup on dit les femmes sont payées comme les hommes, tout le monde va applaudir, mais les entreprises vont avoir beaucoup de mal à encaisser ce surcoût de main-d'œuvre. Mais il faut apparemment avoir le QI d'un philosophe médiatique pour ne pas comprendre ça. Et d'ailleurs, les bourgeois rabâchent cette équation incohérente maintenant, mais ils n'ont fait que tenir la même position avec des arguments différents depuis que le système par répartition et la sécurité sociale existent. De quel droit les travailleurs ne le resteraient-ils pas jusqu'à leur mort ? D'où les riches et les actionnaires auraient à payer pour leur repos ? Leur position n'a pas changé d'un iota depuis 1945. Dès la création de la sécurité sociale, ils protestaient. Ils ont simplement maintenant donné une apparence technique à ce qui est en fait une question politique de partage de la richesse produite. Mais derrière les apparences de réflexion rationnelle et technocratique, il y a une vraie rage de classe qui se trahit ces temps-ci. Dans Le Monde, le journal de révérence, le chroniqueur Jean-Michel Bézat se lâche. « Monsieur Macron peut gagner cette mère des batailles », affirme-t-il avec fougue. Au moins, les choses sont claires. Détruire le système de retraite et le réduire à sa portion congrue, cette même portion qui incitera ceux qui en ont les moyens à souscrire à des contrats par capitalisation, abandonnant la solidarité pour sauver leur peau, c'est LE combat bourgeois de 2019-2020. Une bataille de plus dans la lutte des classes qui nous mène. Les titres employés dans la presse mainstream pour couvrir cette actualité déroulent le champ lexical de la guerre. Le 21 août, Les Échos, le canard de Bernard Arnault, titrait déjà « Réforme des retraites, la mère des batailles pour leur édito ». Décidément. « Retraite, la prudence tactique d'Emmanuel Macron », titrait Le Monde fin août. Macron, ce Napoléon de la lutte des classes, verra dans les réformes des retraites sa bataille d'Austerlitz, à en croire la presse bourgeoise. Et pour parvenir à gagner cette guerre sociale, le gouvernement et ses tueries Ferrer mobilisent un argument qui a le mérite de la nouveauté, à défaut de la vérité. Cette réforme serait en fait plus juste car elle ramènerait l'équité. Notez bien que quand le bourgeois dit équité, il veut dire couper les têtes qui dépassent et tirer tout le monde vers le bas. L'égalité étant l'inverse, amener les gens vers le haut. Cet été, un collectif d'économistes a en fait montré, sur la base des pistes de cette réforme,

mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi. Avant 45, si tu veux, quand t'es travailleur, ton salaire vient uniquement de ton emploi. Tu bosses, t'es payé, tu bosses pas, tu vas dans l'os. Et alors quand t'arrive l'accident du travail, parce qu'à l'époque les normes de sécurité, on s'emmerdait pas avec ça, on peut le dire, n'ayons pas honte, bah t'as plus de salaire. Sauf que c'est pas parce que t'as plus de salaire que la bouffe devient gratuite. Du coup l'équation est simple, tu travailles pas, tu vis pas. Et là il y a un mec qui arrive et qui va te construire, excuse-moi du peu, le droit à la vie en dehors de l'emploi. Et ce mec, c'est Ambroise Croizat. Il est né en 1901, ce qui fait que quand la guerre de 14 arrive, lui il est trop jeune, il a 13 ans, il peut pas aller au combat. Son père, par contre, lui va y aller. Et donc lui il a pas d'autre choix que de devenir le chef de famille, c'est-à-dire qu'il va ramener le pognon à la maison. Et pour ça il n'y a pas 36 solutions, il va aller s'employer à l'usine. Alors il va très vite comprendre le rôle des syndicats, et 3 jours après son embauche, il va adhérer à la CGT. Alors à la CGT, c'est pas le mec qui allait faire grève comme ça de temps en temps, non. C'est lui qui organisait les grèves, à son âge. Toi, la précocité dans l'action. En 1920, à 19 ans, il va assister au congrès de Tours. Le congrès de Tours, c'est là où va être créé le Parti communiste français. Alors ça séduit Ambroise Croizat, et il va aller adhérer au PCF. 19 ans, CGT, PCF. Le mec, lutte sociale. La lutte. 8 ans plus tard, à 27 ans, il devient secrétaire général de la Fédération Unique des Métallurgistes de la CGT. Et je précise qu'à l'époque, les métallos, c'est quand même 20% de la CGT. Autant dire que le mec pèse. Mais le mec, attention, c'est pas un bureaucrate. Le mec est pas là, gérer ses bails sur sa machine à écrire depuis son bureau. Ah non, il prend sa valise en carton et il va courir les grèves de France. C'est un militant de terrain. Après la Seconde Guerre mondiale, à la Libération, c'est un petit peu la merde pour le patronat. Ils ont collaboré, mais tellement. Le respect a quitté le territoire. Il était là en 39, bah, oui, il est où? Où ça? On ne sait pas. Du coup, je t'avoue que le rapport de force est un petit peu favorable à la gauche. Hein, carrément même. Du coup, c'est le moment parfait pour récupérer une petite part du profit. Un peu de pognon, un peu de pèse. Profit qui, jusque-là, allait dans sa quasi-totalité directement dans les poches du capital. Hashtag marxisme, tu connais. Surtout qu'à cette époque-là, on a quand même un PCF à 30% et une CGT à 5 millions d'adhérents. Donc l'ambiance est un petit peu au progrès social, on va pas se le cacher. Ce qui fait qu'en 1945, est rédigée l'ordonnance de la sécurité sociale. Alors c'est un papier qui dit que les travailleurs ont droit de gagner leur vie même s'ils ne sont pas en capacité de travailler pour ça. Ça veut dire que si t'as un accident du travail, une maladie, que t'es trop vieux ou que tu dois t'occuper de ta famille, tu as quand même le droit de bouffer. Est-ce que tu comprends? Donc t'as droit de te nourrir, de faire des gosses et de les nourrir. J'ai envie de dire enfin. Et quand même au 20e siècle. Ça fait que 70 ans. Alors quand on attribue la sécurité sociale à quelqu'un, souvent c'est à Pierre Larocque, un haut fonctionnaire gaulliste de l'époque. Sauf que cet homme-là, il a fait quoi? Il a rédigé l'ordonnance. Ce qui fait que le 4 octobre 1945, la sécurité sociale, c'est une feuille à 4. Et je critique pas, c'est un très bon début. Attention, mais il va bien falloir trouver quelqu'un pour concrétiser l'idée, pour mettre tout ça en place. Ça, c'est pas Pierre Larocque qui va le faire. Lui déjà, il écrit. Il peut pas tout faire. Non, le mec qui va mettre ça en place, ça va être le ministre du Travail de l'époque, et ce mec-là, c'est Ambroise Croizat. C'est un édifice énorme. Le truc, il faut couvrir des millions de personnes. Mais Ambroise, il est là, il voit ça, et il dit « je m'en fous, j'y vais ». Le mec, il dit « non, mais laisse-moi faire, je m'occupe de tout, tu vas attendre dans ton bureau, je reviens dans pas longtemps, je vais te faire un truc au poil ». Et il va te monter un système de protection sociale en quelques mois, avec assurance maladie, système de retraite et allocation familiale. Et il va en profiter à côté pour ajouter 2-3 bricoles, comme ça les week-ends. Bah il est là au ministère du Travail, il profite. Ah, lutte sociale, hein, toujours. Du coup, il va mettre en place les comités d'entreprise, la médecine du travail et la réglementation des 35 heures. Comme ça, c'est le bonus, c'est le cadeau. Mais du coup, on peut se poser une question. Que c'est quand même grâce à ce mec qu'on a un système qui nous protège contre les risques de la vie. C'est grâce à lui qu'on a les comités d'entreprise et la médecine du travail. Donc le mec, clairement, c'est un héros national. Pourquoi du coup, c'est pas devenu une icône nationale dont on parle dans tous les livres d'histoire, comme De Gaulle par exemple? Le seul ministre du travail qui a été ouvrier, qui a mis en place un système de protection sociale qui nous paraît aujourd'hui évident, et on n'en parle pas. La sécurité sociale, ça fait quand même partie des repères historiques à connaître pour le brevet. Tout le monde connaît ça. Le problème, c'est que la date qu'on retient déjà, c'est 1945, donc la date de l'ordonnance, pas la date de création. Et surtout, on ne parle pas du mec qui l'a mise en place. Alors qu'on creuse pas toute l'histoire d'Ambroise Croizat, ok, mais de là à pas citer son nom dans les manuels d'histoire de collège ou de lycée, c'est quand même un peu raide. Du coup, pourquoi on n'en parle pas? Bah, le mec était un petit peu communiste. Bah oui, faut le dire. Parce que vous vous doutez bien que si on apprenait aux collégiens, aux lycéens et à tous les autres qu'une bonne partie des avancées sociales de la France au XXe siècle était l'œuvre d'un communiste, bah le pouvoir en place aura un petit peu de soucis à se faire, voyez. Il faut bien se rendre compte que les communistes après-guerre, par la création entre autres de la sécurité sociale, ont réussi à court-circuiter une partie du profit pour les redistribuer à la population. Et du coup, ça, le patronat et la bourgeoisie en général, ils voudraient pas que ça se reproduise trop, voyez. Et du coup, ils dépensent pas mal d'énergie à essayer de diaboliser le plus possible les communistes. Et ça fonctionne plutôt pas mal pour eux, puisqu'une majorité de la population associe le communisme à Staline et aux 20 millions de morts. Alors si toi aussi tu trouves cette indifférence à l'égard d'Ambroise Croizat injuste, tu peux partager cette vidéo. Toi, tu peux le faire découvrir aux gens. C'est un genre d'hommage si tu veux. Or oui, c'est pas l'hommage national, d'accord. Mais au moins tu participes. Et si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne. C'est gratuit, tel un bon service public des familles. Un million de personnes à son enterrement. Je te jure, hein. Un concert d'ACDC, le bazar. Ah bah, c'était Tonton Ambroise, hein. C'était pas Joël Clodo. Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance, et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit, avec toi, je vais aux barricades, la place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front, sur lui tu t'es penché. Pour fermer ses paupières, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères, malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre, il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître, la commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. Thank you. sous ces champs doit être construit le premier centre industriel de stockage géologique de France, ou CIGEO. Le sous-sol abrite déjà un laboratoire de recherche souterrain. Habitants et militants manifestent leur opposition au projet depuis des années. C'est une bombe qui est enfouie sous la terre et qui menace à un moment ou à l'autre d'exploser. Toute la région autour du village de Bure est sous surveillance des forces de l'ordre. La seule réponse que l'État peut actuellement donner, c'est la matraque, c'est le gaz lacrymogène et la prison. Et ça montre qu'il est dans une incapacité totale à répondre aux crises politiques actuelles. Le village est en état d'urgence. Que se passe-t-il à Bure ? Jean-Pierre Simon est agriculteur en Haute-Marne. Depuis près de 40 ans, il cultive principalement des céréales et du colza sur ses 140 hectares de terre. Mais en 2025, un immense centre de stockage de déchets nucléaires souterrains d'environ 15 km² doit voir le jour ici. Il s'agit de l'un des premiers sites d'enfouissement en Europe, avec ceux de Finlande et d'Allemagne. L'industrie du nucléaire veut y injecter environ 25 milliards d'euros. J'ai toujours été contre l'enfouissement parce que j'ai mesuré depuis longtemps les enjeux du nucléaire. Ça date de très longtemps au travers du nucléaire militaire. Donc j'ai vraiment pris conscience du danger du nucléaire au travers des accidents qu'il y a eu, Tchernobyl et Fukushima par la suite. Jean-Pierre est un farouche opposant au projet. Le décret d'autorisation n'a toujours pas été promulgué, mais depuis quelques années, l'Agence nationale pour la gestion des déchets nucléaires, l'ANDRA, rachète systématiquement tous les terrains de la région. Comme l'agriculteur voulait éviter que l'ANDRA n'acquière les terres qu'il louait, il les a rachetées lui-même sans plus attendre, en s'endettant lourdement au passage. Il y a 5 ans, son mariage a volé en éclats et il a revendu la maison commune. Il vit aujourd'hui dans une vieille caravane au fond de sa grange. Il y a 3 ans, il a décidé de devenir militant. Le bois Le Jus, non loin de Bure, a marqué un tournant dans le conflit jusque-là pacifique contre le site d'enfouissement. Ce qu'on a trouvé à l'intérieur du bois, donc c'est là qu'il a été décidé d'occuper le bois. Le bois Le Jus appartient à l'ANDRA. Bien qu'aucun permis de construire n'ait encore été délivré, l'agence a commencé à raser la forêt. C'est ici que des déchets hautement radioactifs devraient être stockés à partir de 2035. Ils ont construit des cabanes, ils ont aménagé. C'est... vous voyez. J'ai donc laissé mon tracteur et ma bataillère à disposition des occupants. L'échéance juridique se rapproche. Le 22 février, un rendu d'expulsion des habitantes du bois sera peut-être publié. Et les militants n'en sont pas restés là. Après avoir occupé le bois, ils ont enchaîné les manifestations dans la région. Mais courant 2017, la situation a dégénéré entre les opposants au projet et les forces de l'ordre. Yeah. Plusieurs centaines d'opposants nucléaires, parfois violents, s'en sont pris aux gendarmes qui les ont repoussés à coups de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes avant de les déloger du bois en février 2018. Simon n'a participé ni à l'occupation du bois ni aux émeutes, mais son soutien à la protestation a tout de même eu des conséquences. J'ai été jugé et condamné. 2 mois de prison avec sursis, donc pendant 5 ans ou 6 ans, pour la mise à disposition de mon tracteur et de ma bétaillère. Et au final, j'ai récupéré quand même ce matériel au bout de 16 mois de au bout de 16 mois de fourrière. Son tracteur, qu'il avait prêté aux occupants du bois pour transporter leurs sacs de couchage et de la nourriture, est devenu pour beaucoup un symbole de la résistance. Depuis les émeutes de 2017, l'État français a pris des mesures pour reprendre le contrôle de Bure et de ses environs. Le territoire est sous surveillance. Sous surveillance rapprochée. Et quand je dis le territoire, donc ça veut dire que dans un rayon de 10-15 km, toutes les routes sont quadrillées en permanence. Il y a un escadron qui, avec des véhicules, surveille le territoire, donc qui quadrille les routes, mais pas seulement, les chemins, les forêts, les parcelles, en permanence, 24 heures sur 24. Et vous comprendrez bien que on surveille aussi ses habitants, et encore plus les habitants qui ont l'étiquette d'opposants, comme moi. On est sur un rythme de un passage toutes les 2 heures, à minima, 24 heures sur 24, devant ma ferme, autour de moi. Donc c'est quelque chose de très difficile à vivre. Les autorités refusent de révéler le nombre de gendarmes affectés à la surveillance de Bure. Selon les habitants, il serait environ 80 à être stationnés dans la région pour une durée indéterminée. Bure, dans la Meuse, a des airs de village fantôme. La zone du Cigéo se vide chaque année de plusieurs centaines d'habitants. Bure ne compte plus que 80 âmes. L'unique présence encore vraiment palpable est celle des forces de l'ordre qui patrouillent toutes les 10 minutes à travers le village. À première vue, seuls les graffitis sur la mairie témoignent de l'opposition au site d'enfouissement. L'Andra s'est implantée aux portes de Bure. Elle exploite ici un laboratoire souterrain de recherche et un centre d'accueil pour les visiteurs où les citoyens de la région peuvent venir se renseigner sur le futur centre de stockage. Mathieu Saint-Louis est là pour répondre à leurs questions. Salut. Salut Mathieu. Ça va? Ouais, et toi? Ouais. Merci. Près de la moitié de ce qu'on veut mettre dans le stockage existe aujourd'hui dans des entrepôts en France. Mais l'idée de les rassembler en un seul lieu, dans une espèce de sarcophage qui va durer des milliers d'années, c'est tout à fait naturel de s'en inquiéter. Et c'est même plutôt bien parce que ça nous oblige, nous, à expliquer notre travail. Les déchets seront stockés à 500 mètres sous terre. L'Andra exploite le laboratoire souterrain depuis près de 20 ans. Elle y étudie la manière dont pourrait fonctionner un véritable site d'enfouissement. Alors, là, ici, on est dans une des plus grandes sections du laboratoire. C'est ici, dans des dimensions qui sont similaires à ça, dans lesquelles on mettra des déchets de moyenne activité. Si le CIGEO voit le jour, jusqu'à 5 convois ferroviaires de déchets moyennement et hautement radioactifs arriveront ici chaque mois pour être stockés. Vers 2150, après avoir été rempli durant plus d'un siècle, le site sera définitivement scellé. Il devra alors résister pour une durée d'au moins 100 000 ans. Terre ont sa faire. Les scientifiques de l'Andra simulent les conditions de stockage de différents types de déchets nucléaires. Alors, ici vous avez un essai de creusement d'une alvéole pour les déchets de haute activité. Et en fait, c'est une alvéole qui a été équipée de capteurs pour pouvoir mesurer différents paramètres. Là, ici, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment la pression de la roche qui est autour va s'appliquer sur le chemisage métallique, mais également le retour possible d'humidité entre le tube en métal qu'on a posé et la roche. D'autres pays européens étudient des gisements souterrains de granit ou des mines de sel. Dans l'Hexagone, on estime que l'argile est la solution la plus sûre. si on a la certitude que c'est une roche qui est capable de contenir la radioactivité et de faire en sorte que ces déchets n'auront pas d'impact sur l'environnement dans lequel on vit. Sachant que sur ces périodes de temps, la vie sur Terre va bien changer. Mais ici, dans cette roche qui a 160 millions d'années, il y a peu de choses qui vont changer, contrairement à la surface. Comme pratiquement chaque nation qui produit de l'énergie atomique, la France cherche depuis de nombreuses années un endroit plus sûr pour enfouir à long terme ses déchets radioactifs. Avec un réseau de 58 réacteurs, la France produit plus de déchets radioactifs que n'importe quel autre État européen. Les militants qui s'opposent au CIGEO et que les autorités veulent tenir sous contrôle restent sur place. Ils vivent temporairement dans certains villages, notamment dans la maison de résistance à la poubelle nucléaire à Bure. Étienne Ambroselli est avocat et fait la navette entre Paris et Bure pour leur offrir un soutien juridique. Les militants refusent d'être filmés. Au moment du tournage, une vingtaine d'opposants nucléaires venus des quatre coins de l'Europe résidaient dans la maison. La plupart y séjournent quelques semaines avant de poursuivre leur route. Étienne vit avec eux. Cet avocat de 42 ans est lui-même engagé contre le nucléaire et défend ses camarades. Il a notamment participé à l'occupation du bois il y a 3 ans. Depuis, la gendarmerie le tient à l'œil et le contrôle régulièrement sur les routes des environs. Bonjour monsieur, gendarmerie, vous pouvez me présenter une carte grise, permis de poser les rassurances s'il vous plaît. Oui monsieur. La seule réponse que l'État peut actuellement donner, c'est la matraque, c'est le gaz lacrymogène et la prison. Et ça montre qu'il est dans une incapacité totale à répondre aux crises politiques actuelles. Et ça, c'est tragique, mais on va pas pouvoir laisser l'État croire qu'il peut continuer à exercer sa puissance de façon aussi destructrice. Ça, c'est pas possible. Notre équipe est elle aussi contrôlée à plusieurs reprises au cours du tournage, bien que la gendarmerie ait vérifié ses papiers et photographié la plaque de sa voiture de location dès le premier jour. Les véhicules des habitants et des personnes en transit sont fouillés en quête d'objets suspects. Les autorités confisquent même les pots de peinture afin, disent-elles, d'éviter tout vandalisme. Étienne se rend chez l'un de ses clients qui habite à Mandres-en-Barrois, un village voisin. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Jacques Guillemin est chauffeur Merci. Routier et vit ici depuis toujours. Tu veux du café ? Ouais. Du sucre. Il y a 1 an, la gendarmerie a saisi son ordinateur et ses téléphones portables. Elle lui reprochait d'avoir participé à une manifestation illégale contre le site d'enfouissement et d'avoir été aux côtés des opposants violents, ce qu'il réfute. C'est avec ta voisine qui a subi la même perquisition que toi. On n'a toujours pas envoyé de courrier de demande de restitution des objets, enfin, toujours pareil, hein, portable, ordinateur, qu'ils ont pris. Toi, tu l'as jamais fait non plus. Moi, j'aurais pu. J'ai trop peur qu'ils mettent des micros dedans et qu'ils mettent ça. Non, j'aurais pu. Il croit les forces de l'ordre capables de tout. Le débat autour du CIGEO a divisé toute la région, selon lui. C'est pas mal, hein? Franchement, ils sont déjà mal de chien. Il y a les pour et les contre. Et puis il y a les neutres, qui sont ni pour ni contre. Mais quand on me dit ni pour ni contre, non. On est pour ou on est contre. Les gens, ils ont peur de se montrer et qu'ils viennent perquisitionner chez eux. Il explique que ses voisins, qui sont en faveur du centre de stockage, ne le saluent même plus. Reste que le projet a apporté beaucoup d'argent à la Meuse, sinistré économiquement et qui se vide de ses habitants. Actuellement, une trentaine de millions d'euros entrent chaque année dans ses caisses. Le village de Bure dispose de lampadaires flambant neufs, d'une centrale à biomasse et, à nouveau depuis peu, d'un supermarché, le seul des environs. Mais les opposants au nucléaire ne veulent pas se laisser acheter. Trois villages plus au nord préparent le prochain événement contre le projet. Le festival Les Burlesques en est à sa deuxième édition. Lors de son lancement il y a 2 ans, des émeutes ont également éclaté. Jean-Pierre vient donner un coup de main avec son légendaire tracteur. Il prête aux organisateurs quelques dizaines de bottes de paille pour délimiter le terrain. Et voilà. Est-ce qu'on les positionne directement? Bah, dis combien il en faut là-bas. T'as une idée? Là-bas, je pense qu'il y a 18 mètres à couvrir, peut-être 20. 18 mètres bout à bout? Ah oui, donc on en a quand même. Hein, non, mais l'une contre l'autre, ça fait 18 bottes quoi. Les collègues, ouais, donc 15 bottes. Environ 120 bénévoles comme Jean-Pierre participent à l'organisation du festival. Des chapiteaux aux tireuses à bière, presque tout a été prêté par le collectif organisateur. Personne ne gagne un centime dessus. Jean-Pierre espère que ce genre d'événement permettra d'empêcher la construction du CIGEO. Et j'attends que ça fasse une caisse de résonance, c'est-à-dire qu'on se fasse connaître, qu'on se fasse comprendre et qu'on arrive à convaincre un maximum de gens que l'enfouissement, c'est pas la solution et que CIGEO, bah, faut le mettre à la poubelle. Voilà. De retour dans sa grange, Jean-Pierre doit reprendre ses propres activités. L'agriculteur n'en peut plus. Il croule sous 200 000 euros de dette qu'il a contractée pour acquérir ses terres agricoles. Et il est épuisé par bientôt 2 années d'une surveillance constante de la part de la gendarmerie. Ça va être difficile de savoir comment je vois l'avenir, ici sur ma ferme et autour. Même avec le recul, hein, au bout de 25 ans de lutte, ça prend une nouvelle tournure tous les jours et on ne sait pas ce que ça sera demain. Mais je ne pourrais pas rester avec la situation qu'on vit actuellement. Le lendemain, le festival bat son plein. Des centaines de personnes de la région et des militants de toute la France ont fait le déplacement pour exprimer ensemble leur opposition à la future poubelle atomique. Pacifiquement. Jean-Pierre est également de la partie. Engagé depuis des années contre le CIGEO, il connaît pratiquement tout le monde ici. Au cours du festival, Des associations et des organisations environnementales comme Greenpeace expliquent pourquoi elles estiment que le site d'enfouissement de déchets nucléaires n'est pas sûr. Les habitants du coin qui fréquentent le festival en sont depuis longtemps convaincus. En fait, on va pourrir la région, on va pourrir le site, on va pourrir... la terre, elle est déjà pourrie, en fait, et j'ai l'impression qu'il y a juste certaines personnes qui ont conscience de ces choses-là. Je pense qu'il y a d'autres alternatives et qu'elles n'ont pas été correctement étudiées et qu'on a tout mis sur l'enfouissement, la recherche pour l'enfouissement, le financement pour l'enfouissement. Il y a d'autres méthodes de retraitement qui pourraient être plus pertinentes. Les opposants craignent que l'Andra ne tienne pas compte des doutes légitimes que soulève le site de Bure, afin de ne pas compromettre la construction du CIGEO. C'est question d'enfouissement. Et alors pourquoi, frère, la similitude, elle vient... Vous avez un point d'âge. Alors pour CIGEO, je dirais que c'est pas encore... Sous l'un des chapiteaux, Bertrand Tuillier tient une conférence. Cet ingénieur agronome vit également dans la région. Par curiosité, il a commencé à s'intéresser au dossier technique de l'Andra. Il en est arrivé à la conclusion que cette zone n'est pas du tout appropriée, justement parce que le sol y est principalement composé d'argile. Au-delà de 90-100 degrés, de l'argile se déstructure. Finalement, l'argile est vraiment la pire des roches pour enfouir des déchets nucléaires. Et le projet belge montre bien le côté un petit peu caricatural des caractéristiques de la roche pour ne pas enfouir justement dans de l'argile. L'ingénieur fait référence à la petite ville belge de Mol, où l'on projette un autre site d'enfouissement dans un sol argileux. Mais l'opérateur belge n'a toujours pas obtenu d'autorisation de construire à ce jour. La raison ? On soupçonne l'argile de pouvoir corroder les conteneurs remplis de déchets radioactifs et de les rendre perméables. Une possible bombe à retardement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une argile qui contient de l'eau et donc, de fait, vous avez automatiquement une génération d'hydrogène très importante et tout le monde sait que l'hydrogène est un élément, facteur d'incendie et d'explosion. Une explosion au cœur d'un site d'enfouissement nucléaire constituerait un accident majeur. Les craintes de l'ingénieur sont-elles fondées ? Comme on pouvait s'y attendre, Mathieu Saint-Louis de l'Andra se montre plus rassurant. Il y a effectivement ce risque incendie qui est peut-être le plus grand des dangers. C'est vrai qu'un feu, tout le monde le sait, un feu en souterrain, c'est toujours quelque chose qui est problématique. Donc là, c'est vrai qu'on est dans un milieu souterrain, il y a de la ventilation à apporter. Il n'y a pas une crainte incroyable sur notre capacité à maintenir une installation ventilée. C'est quelque chose qui est fait dans tous les tunnels. Toutefois, il n'existe aucune certitude absolue sur le fait qu'un entrepôt souterrain puisse rester sûr durant des centaines de milliers d'années. Et ce, quel que soit le site ou la roche où il sera implanté. L'un des rares partisans du projet est le propriétaire de l'hôtel situé juste en face du laboratoire de recherche. Michel Maltru exploite le bain d'œil avec sa famille. Viens. Chaque midi, c'est le branle-bas de combat dans la cafétéria. Hein ? Il n'y a plus rien. Bah tiens, on est en train de remettre. Regarde donc. La salade de cervelas et puis tu mets dedans. Hein ? Le restaurant le plus proche se situe à une bonne vingtaine de kilomètres. L'hôtelier peut donc se réjouir depuis 2 ans d'accueillir une nouvelle clientèle fidèle. À 13h pile, les gendarmes viennent prendre leur pause déjeuner. Ils mangent toujours ici, oui. Ils mangent toute la semaine ici, le matin, le midi, le soir. Il ne s'agit pas de faire de la répression, il ne s'agit pas de rien, il s'agit de contrôler. C'est du contrôle. Voilà, uniquement. Enfin, je pense, hein, moi je suis pas général de la gendarmerie, mais c'est du contrôle uniquement. Michel réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires grâce à la partie restauration. Nous ne sommes pas autorisés à filmer ses échanges avec les forces de l'ordre. La présence quotidienne de gens armés dans son établissement rassure l'hôtelier. Pas possible, ça. C'était le 21 juin. Ils sont entrés le matin parce qu'on ouvre le matin à 6 heures. Depuis l'extérieur, ils ont pris des tables, hein, et avec les pieds des tables, ils ont tapé, ils ont cassé les vitrines. Ils étaient 5 ou 6, ils ont été là quelques minutes, donc ils étaient cagoulés et tout. Donc ils sont entrés, ils ont tout cassé vite fait, très vite, et puis ils sont repartis aussitôt. Avant de prendre la fuite, les malfaiteurs tentent encore de mettre le feu au bâtiment. Les dommages s'élèveront à 15 000 euros. Les intrus n'ont jamais été identifiés. Le restaurateur soupçonne des militants antinucléaires. Moi, je ne suis pas contre le fait d'avoir des idées, d'être contre certaines choses, mais pas comme ça, quoi. Pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça met en colère parce que c'est totalement injuste. Je ne vois pas ce que moi, en tant qu'exploitant d'un hôtel-restaurant ici, pourquoi on vient me casser mon outil de travail. Nous ne sommes pas autorisés à parler avec les militaires qui fréquentent régulièrement la cafétéria. La gendarmerie refuse de nous accorder une interview. Et le maire de Bure ne répond même pas à nos sollicitations. Après le rush du déjeuner, le calme revient. Si le projet ne se fait pas, ça, ici, ça vaut rien, ça vaut zéro. Donc nous, on aura travaillé ici pendant 8, 9 ans, 10 ans. On aura travaillé ici pendant 10 ans pour monter une affaire qui ne vaudra rien. La famille Maltru a investi 350 000 euros dans cet hôtel. Sans le projet de site d'enfouissement en face, jamais l'établissement n'aurait vu le jour. La clientèle de Michel se compose principalement d'employés de l'Andra, de scientifiques ou de gendarmes. Et les choses ne sont pas près de changer. Il n'y a pratiquement aucun touriste dans la région. Je trouve que ce projet, économiquement, est une grande chance pour la région. À partir du moment où ce projet donc, aboutit, il va y avoir 1000 emplois de créés. Alors 1000 emplois de créés, ça veut dire avec une moyenne de famille de 2 ou 2,5 personnes, 2500 personnes qui vont arriver sur le site, ou tout au moins dans les alentours, et avec tout ce que ça implique de tertiaire, de secondaire, de commerce, etc. quoi. Ce projet est-il véritablement une chance ? Les opposants ne voient dans le CIGEO qu'une vente pure et simple de la région. Étienne, l'avocat, est également arrivé au festival. C'est ça, être anti-nucléaire, c'est un malfaiteur. Je suis un malfaiteur, mais j'assume, voilà, parce que les piques aillent jusqu'au bout. Sur l'absence de solution aux déchets nucléaires, civils et militaires, c'est une question qui date de l'entrée dans l'ère nucléaire. Depuis toujours, les luttes antinucléaires ont mis en avant cette question. Aujourd'hui, l'État il nous propose une solution qui est démontrée scientifiquement comme la pire des solutions. Donc, il ne faut pas s'étonner que des personnes s'opposent à ce projet. Mais alors, quelle solution acceptable pourrait-on envisager pour stocker les déchets radioactifs ? Les habitants n'ont pas non plus de réponse à cette question. Il faut les laisser entreposer. Et pour qu'on en ait les maîtrises, parce qu'on a quand même toujours espoir, même si c'est plutôt lointain pour le moment, c'est une, deux ou trois décennies, mais la science continue de progresser. Donc je pense qu'on arrivera à trouver des solutions. Donc les maîtriser en surface ou en subsurface. La France étant la plus grande nation atomique d'Europe, il est peu probable qu'elle passe encore des décennies à chercher une alternative à la solution de Bure. Mais tout le monde est d'accord ici pour dire qu'une sortie rapide du nucléaire constituerait déjà un bon début. Après 3 jours de discussions, de concerts et de performances, L'édition 2019 du festival touche pacifiquement à sa fin. Selon les organisateurs, il aurait accueilli près de 4000 visiteurs. Pour l'heure, les militants ne peuvent rien changer à la situation. La gendarmerie patrouille comme à l'accoutumée dans les rues. La surveillance n'est pas près d'être levée. Jean-Pierre a besoin de parler. Étienne a également représenté Jean-Pierre lors de son procès il y a 2 ans. Depuis, ils sont devenus amis. Il faut apprendre à vivre dans le territoire, voilà. Maintenant. Ah oui, c'est ça. À vivre avec. C'est ça. Je pense qu'il va falloir qu'on organise des stages. Des stages d'acclimatation, ouais. à la vie autour de Bure. C'est ça. Une vie spéciale. Moi, j'ai besoin maintenant de m'extraire temporairement du territoire. Comment tu fais, toi, là ? Il faut que je parte. Ouais, mais tu prends l'air. Il faut que je parte. Bon, je l'ai encore peu fait parce qu'il faut que je mette un peu de l'ordre dans mes activités. Et les périodes comme l'été, tu vois, là, c'est non-stop. Là, on repart pour le travail du sol, donc il y a encore un moment, quoi. Mais il faut que je fasse des coupures, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pour durer, hein. Ouais, un bras de fer. Mais quand la France mettra en service son premier site d'enfouissement nucléaire, Jean-Pierre tournera définitivement le dos à sa contrée natale. De la fin, la raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin du passé, fait son table rase, faut l'esclave debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons doux, c'est la lutte finale, groupons-nous. Sera le genre humain, c'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre. Yeah. 受苦的人。满腔的热血已经沸腾，要为真理而斗争。教师节，大哥落花流水，努力们起来，起来！不要说我们一无所有，我们要做天下的主人。这是最后的斗争。爱到明天，赢得那熊奈儿，就一定要实现。这是最后的斗争，团结起来到明天。 Présidente, ministre, collègues, voici cette deuxième lecture qui ne fera pas changer grand-chose à la première, je le crains. Cependant, c'est l'occasion pour nous de confronter les résultats que nous observons avec les prémices de ce qui a été annoncé. Le contexte, avez-vous dit, monsieur le ministre ? Eh bien oui, le contexte, au niveau mondial, ce n'est pas seulement les tensions commerciales entre les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine, c'est d'abord celui d'une insurrection générale des peuples contre les conséquences des politiques néolibérales qui ont été appliquées avec une férocité sans égale dans tous les pays du monde. Ceux qui ont été les plus durement touchés sont ceux qui, aujourd'hui, se sont mis en mouvement. Notre temps est celui de l'ère du peuple et des révolutions citoyennes. Ces révolutions ne sont pas animées par des motifs idéologiques, comme ce fut le cas dans le passé. Elles le sont par des choses simples. La société, sous l'emprise des politiques budgétaires néolibérales, ne répond plus aux demandes élémentaires auxquelles les gens sont habitués à recevoir une réponse positive, avoir du courant, avoir de l'eau potable, avoir des soins, avoir ses enfants éduqués normalement. Tout cela est devenu un enjeu alors que c'était hier encore un acquis social. Alors, bien sûr, continue la confrontation ici entre nous, confrontation idéologique, respectueuse des points de vue de chacun, entre deux visions du monde. Vous êtes toujours persuadé que le ruissellement va se produire si on permet à la fortune de s'accumuler à un bout de la société. Nous sommes toujours persuadés que la politique de l'offre ne correspond à aucun besoin de la société et donc condamnée soit à produire des choses qui ne servent à rien et dont on espère susciter le besoin par la publicité, soit à conduire à des assèchements de moyens, parce que partout on cherche à réduire les salaires, partout on cherche à réduire les prestations publiques, en pensant qu'il faut que les choses s'accumulent à un bout de la société pour ensuite ruisseler sur le reste. Seul vaut en politique, à mon avis, et dans la vision qu'on peut avoir de la société, l'idée que l'économie est au service de l'humain et non l'inverse. Et que donc, seule la politique de la demande a du sens, parce que c'est elle qui stimule l'économie, c'est elle qui stimule l'inventivité, au contraire de la politique de l'offre. Et d'ailleurs, la preuve en a été donnée dans ce pays. Si aujourd'hui la France est la seule à avoir un taux de croissance plus intéressant que celui de tous les autres pays d'Europe, c'est parce qu'elle est le seul pays avec le Portugal, j'en dis un mot dans un instant, à avoir, du fait d'une lutte sociale, celle des Gilets jaunes, déversé 17 milliards dans la consommation populaire, qui se sont retrouvés intégralement dans notre économie d'une manière positive. En Europe, sont appliquées les politiques absurdes initiées par le gouvernement de droite allemand, la restriction partout, et il y a un contre-exemple, c'est le Portugal. Et le Portugal est le seul pays où les acquis sociaux se développent et l'économie est mise en moins grande difficulté que partout ailleurs. Je ne vous dis pas que j'en approuverai tous les aspects, mais j'en approuve l'inspiration. Fort heureusement, l'appui de mes amis de Podemos au gouvernement qui se forme en Espagne va bientôt permettre une augmentation du salaire minimum et d'autres avantages sociaux, dont vous ne tarderez pas à voir, monsieur le ministre, qu'elle va déclencher une soudaine reprise de l'activité de l'Espagne, qui aujourd'hui est quasiment au bord de l'agonie. Alors vous, non, vous faites le contraire. Et vous nous dites que c'est parce qu'il y a des tensions commerciales entre les Chinois et les États-Unis d'Amérique. Alors, je ne vous dirai pas que ce n'est pas vrai. Mais je ferai remarquer que c'est aussi un symbole de l'échec d'une certaine théorie qui, depuis les années Giscard, a dominé la pensée de droite de tous les gouvernements. C'est l'idée que le libre-échange et l'extension à l'arène mondiale du commerce international donneraient comme résultat la possibilité pour chaque producteur national de s'évader des limites et des contraintes du marché national. Qu'avez-vous fait ? Simplement exposer toute économie à la dépendance à ce nouveau marché international. Et dès lors qu'il... les budgets publics ne sont plus en état, souvent, de jouer le rôle contracyclique qu'autrefois il était possible d'obtenir d'eux et qui était la caractéristique principale de l'économie française. Ces budgets, son système social, étaient un amortisseur qui permettait des politiques contracycliques. Vous, vous accompagnez le cycle dépressif, sauf quand les gens vont dans la rue, vous arrachez des avantages sociaux qui se retrouvent ensuite dans l'économie productive réelle. Alors, cette fuite en avant de votre part, je la trouve une nouvelle fois dans ce budget. On vous l'a dit, je vous le répète. Suppression de la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches qui jusqu'à présent n'y avaient pas droit, 8 milliards à compenser par l'État. Car tout cadeau fait d'un côté revient dans le budget de l'État à être compensé. Ou bien ça sera compensé par des versements de l'État aux collectivités locales, ou bien ce sera compensé par de la baisse de services publics. Or, la baisse de services publics, c'est à chaque fois l'idée que le service privé va prendre le relais. Ce n'est pas le cas, et quand c'est le cas, ça coûte plus cher que le service public, pour toutes les raisons que tout le monde connaît et qui sont simples à comprendre. Le service public ne rémunère pas d'actionnaires, tout service privé a une charge de plus dans son budget, le service qu'il rend à l'actionnaire. Baisse de l'impôt sur les sociétés, 2,5 milliards de moins dans les caisses de l'État. Baisse de l'impôt sur le revenu, 5 milliards d'euros de baisse à compenser également. Ajoutons que pour finir, nous vous voyons vous avancer les uns et les autres d'une génération à l'autre. Cette fois-ci, l'impôt sur le revenu, qui est le seul impôt à peu près juste par rapport à l'impôt injuste qu'est la TVA, pèsera 2,5 fois moins dans les recettes que ne pèse la TVA. On ne va pas tarder à voir arriver le jour où vous nous proposerez de supprimer l'impôt sur le revenu et de revenir à ce qu'était la situation du début du siècle précédent en disant, après tout, tout ça est injuste, l'impôt indirect est beaucoup plus efficace et pour l'instant, c'est vrai qu'il rapporte plus puisque vous baissez l'autre, à proportion. Donc, total de cadeaux de toutes sortes, 15,5 milliards. À quoi vous avez ajouté dans la loi PAC, mais ça ne se voit pas pour l'instant. Le fait que les reversements de ceux qui prendraient des pensions privées seraient dispensés à niveau de 70% de leurs recettes d'impôt sur le revenu sur ces 10 revenus-là. Eh bien ça, ça va nous coûter 1 milliard. Total, 16,5 milliards à la charge de tous les contribuables, soit à payer par leurs impôts, soit à voir disparaître en service public. Et si votre réforme de la retraite s'applique, compte tenu de ce que vous avez disposé concernant les plus hauts revenus, ceux au-delà de 120 000 euros par an, cela représentera 7 milliards d'euros de cotisations non versées, dont 4 milliards pour les entreprises, dites-vous, c'est-à-dire pour les actionnaires. S'est-on bien rendu compte que dans la loi telle qu'elle est, la proposition de loi sur les retraites, il y a 4 milliards de cotisations patronales de moins, un cadeau de plus qui représente presque 1,5 fois le cadeau que vous leur avez déjà fait avec l'impôt sur la fortune. Personne n'en parle, je le fais. Au total, cette réforme, elle coûtera 8 milliards à compenser dans les caisses de l'État, si vous le décidez, en toute hypothèse. De toute façon, ce sera 18, 15, 5 plus 8, 23 milliards, mais j'espère que nous arriverons à vous empêcher de faire cette réforme malsaine et mauvaise pour l'économie du pays, qu'est votre réforme des retraites. Le haut commissaire est déjà parti, vous pourriez faire partir le reste de la réforme avec, comme ça nous pourrions avoir une discussion plus raisonnable que celle qui est si mal commencée aujourd'hui. Total, coût cumulé sur 3 ans de votre présence, suppression de l'ISF, 10 milliards, flat tax sur les revenus du capital, 5 milliards, baisse de l'impôt sur les sociétés, 15 milliards, taxe d'habitation pour les 20% les plus riches, 8 milliards, baisse de l'impôt sur le revenu, 5 milliards. Depuis le début de ce gouvernement et du mandat de M. Macron, cela représente 43 milliards qui auront été pris à tous les Français pour être donnés à quelques-uns seulement. Alors, dans le budget, il y a à nouveau une réforme de l'APL. 600 000 personnes de plus ne toucheront aucune APL. Comme l'année dernière, elles seront revalorisées, certes, mais en dessous de l'inflation, il faut le faire. En tout, 2 milliards de moins dans les poches des Français sans fortune. Mais le plus grave à mes yeux comme républicain et comme ami de l'idée que l'intervention de l'État est la seule qui vaille, y compris dans l'économie. Je vous ai dit une fois que j'étais collectiviste. Eh bien oui, je le suis. Je crois que l'économie n'a de sens qu'encadrée par des règles. Je pense que sur ce point, peut-être vous pourriez être d'accord avec moi. La liberté totale du marché n'a aucun sens. Donc, s'il y a des règles, il faut qu'elles soient appliquées. Et si on veut qu'elles soient appliquées, alors il faut qu'il y ait des gens pour les faire respecter. Vous imaginez assez d'embaucher je ne sais combien de policiers de plus pour maintenir l'ordre dans les rues, ce que vous appelez l'ordre. Mais par contre, quand il s'agit de contrôler le capital, quand il s'agit de courir après les fraudeurs, alors là, il n'y a plus personne. Mais oui, 1000 postes de moins. 1600 postes de moins pour le ministère des Finances. Moi, je les y aurais maintenus à courir derrière les sous qu'on nous doit. 80 milliards qui nous sont volés tous les ans. 1000 postes de moins pour l'écologie, pour le ministère de l'écologie. C'est-à-dire que sur les deux grands sujets qui accablent notre société, le dérèglement climatique pour lequel il faut enfin changer de méthode et le pillage par les parasites que nous connaissons, les parasites sociaux qui se gavent d'argent et n'en ont jamais assez, sur ces deux causes-là, au lieu de leur serrer la vis, vous leur facilitez le travail. Merci, c'est une erreur, monsieur... et voilà pourquoi nous voterons contre ce budget une fois de plus. Merci, monsieur le président Mélenchon. Je voudrais célébrer l'un des mots qui accable nos villages mourants. C'est le petit notable, il est maire ou patron, conseiller général, ou les trois à la fois, c'est en France banal. Il est petit, petit, dans tous les sens du terme. Il est vieux, avec tout ce que ce mot renferme. De rance et renfermé, gros ou maigre, il est gras. Rien par où l'attraper, il glisse entre les doigts. Je voudrais exprimer ma satisfaction. Tels sont les premiers mots en toutes occasions. Tout meurt autour de lui, les jeunes sont partis, les usines ont fermé, tout va très bien pour lui. Les pauvres petits sous de ses contribuables servent ses grands projets urgents, indispensables, des lampadaires, un golf qu'il va inaugurer. Je suis très satisfait, mes chers administrés, satisfait car il vit de grands mots et d'embrouilles. La mairie est sa mare, il en est la grenouille. Sûr de faire la pluie et le beau temps local, il s'agite beaucoup au fond de son bocal. Il parade et se gonfle au milieu de la place, trouve un mot pour chacun, promesse ou bien menace. De chacun il connaît les failles et les secrets, tient un jour son courrier, ses fiches et ses dossiers. Il brandit le drapeau ou bien le linge sale, dans ses urnes truquées toutes les voix se valent. Il manie en malin les pressions, les faveurs, tout est bon pour tenir en main les électeurs. Votre fils entre en fac, bien, j'en fais mon affaire, il aura une bourse. Merci, Monsieur le maire, c'était automatique, votre fils y avait droit. Le maire le savait, vous ne le saviez pas. Il enterre, il marie, dispose des gendarmes. Il se sert de vos joies, il se sert de vos larmes. Le préfet, le pouvoir, le méprise et en joue. Il est l'élu du peuple et c'est tant pis pour vous. Novembre, il nous vante la guerre. Le 14 juillet, il ne peut pas se taire. Dur avec les petits, piteux devant les forts. Il n'est jamais si bien qu'au monument aux morts. Il cache ses pensées, sort son vocabulaire. Tartuffe et Tartarin, il se veut populaire. Un pastis pour les hommes, aux dames un quinquennat. Il rêve de la chambre et même du Sénat. Chaque nuit en Navarre, il recompte les votes. Pour un tel le bâton, pour l'autre la carotte. Il grenouille à tout va, l'animal n'est pas neuf. La grenouille qui veut grossir comme le bœuf. Il n'est même pas sûr qu'il soit très malhonnête. Alors pourquoi toujours se monte-t-il la tête? Pour qu'on parle de lui, pour sortir du troupeau, pour être au premier rang, toujours sur la photo. J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote, tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés. Je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. En janvier 2013, François Hollande annonce l'intervention française au Mali. Débute alors l'opération Serval. Elle durera du 11 janvier 2013 au 1er août 2014. L'objectif est de repousser l'avancée de groupes terroristes qui ont pris alors tout le contrôle du nord du pays et menacent la capitale, Bamako. La France intervient rapidement et les 25, 27 et 30 janvier, les villes de Gao, Tombouctou et Kidal sont reprises. Puis le 8 février, c'est au tour de Tessalit, ville tout à fait au nord du pays, d'être reprise aux terroristes. Alors à ce moment-là, les villes sont donc reprises, mais pas les zones plus rurales et montagneuses. Les forces françaises, appuyées des forces maliennes, sont dorénavant forcées d'aller débusquer les terroristes dans les zones les plus hostiles. Et après cela, débute l'opération Barkhane, qui vise quant à elle à lutter contre les groupes djihadistes dans presque toute la bande sahélienne. Mais qui sont ces groupes? D'où viennent-ils et comment se sont-ils formés? Alors il y a en fait trois principaux groupes djihadistes qui ont conquis le nord du Mali en 2012. ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Ansardin et le Moudjahou. ACMI est une organisation, comme son nom l'indique, liée à Al-Qaïda et venue au Mali plus tôt de l'Algérie, au nord. L'État algérien mène une campagne de lutte contre ce groupe armé, qui s'est retrouvé poussé vers le sud et qui a finalement pris ses marques dans le nord du Mali. Plusieurs groupes affiliés à ACMI sont donc maintenant présents dans cette zone. Ansardin est un groupe djihadiste originaire du Mali et assez récent puisque formé en 2012. Et le Moudjahou est un groupe malien également, et lui aussi récent, puisque formé en 2011. Et ses fondateurs étaient auparavant des membres d'ACMI, ayant voulu s'en émanciper. Mais la réalité est en fait plus complexe. Voici un aperçu des relations entre les groupes djihadistes au Mali. Il y a des rivalités, des scissions, des fusions, et ça change un peu tout le temps. C'est difficile à comprendre et à appréhender. Ce que je représente là, ce sont vraiment les principaux groupes. Mais ils sont eux-mêmes composés d'une multitude de sous-groupes et de milices ou bataillons qu'on appelle Katiba. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette grande fragmentation leur permet de rester plus difficilement identifiables et qu'elle ne semble pas altérer leur capacité à agir. Ensuite, la plupart de ces groupes sont dirigés par des leaders très locaux et très opérationnels, ce qui fait que lorsque l'un est éliminé, ça n'impacte que le groupe dont il était leader et seulement à court terme puisqu'ils sont généralement très rapidement remplacés. Et enfin, leur grande autonomie fait que lorsque l'un des groupes s'affaiblit, ça ne va pas forcément impacter les autres groupes. Et à tout ça, vous ajoutez leur grande connaissance du terrain et ça donne la formule parfaite pour donner du fil à retordre aux forces françaises et maliennes. Par ailleurs, ces groupes sont alimentés à partir du début des années 2010 par des combattants venus de la Libye. En effet, le régime libyen de Kadhafi tombe en 2011 suite à l'intervention française encore une fois, mais cette fois-ci menée par Nicolas Sarkozy, et de nombreux soldats libyens se retrouvent sans commandement et rejoignent les rangs d'organisations terroristes ou rebelles dans le Sahara et le Sahel, dont au Mali. Ils apportent avec eux des armes, du matériel et aussi de l'expérience au combat. Dans certains groupes, certaines sources font état de près de 40% d'effectifs libyens. Et c'est en partie cela qui va permettre à ces groupes rebelles de prendre tout le nord du Mali en 2012. Donc voilà un peu grossièrement comment sont organisés les groupes djihadistes. Mais après Serval, Acmi et Ansardine sont largement affaiblis, c'est-à-dire qu'ils ne contrôlent plus de régions entières, mais sont toujours actifs au Mali. Le Moudjahou, quant à lui, se retire un temps au Niger. Maintenant, si on prend un point de vue plus macro, vous voyez sur cette carte la zone d'intervention des différents groupes terroristes au Sahara et au Sahel, ainsi que les 5 pays où les effectifs de l'opération Barkhane sont déployés. Alors, je le rappelle, en gros, opération Serval, c'est la reprise du Nord-Mali, et l'opération Barkhane, c'est la sécurisation de la zone sahélienne. La zone sahélienne, un territoire immense, grand comme l'Europe, où seulement 4500 militaires français, appuyés des forces du G5 Sahel, sont chargés de débusquer et de mettre hors d'état de nuire quelques milliers de terroristes. Si on se recentre au Mali, la France a établi 2 bases avancées temporaires à Tessalit et Kidal, une autre base à Gao fait office de base logistique permanente, et un point d'appui aérien a été mis en place à Niamey, au Niger, qui permet une intervention rapide de forces aériennes sur les zones tenues par les terroristes. Mais est-ce qu'on peut vraiment résumer la situation au Mali à une insurrection djihadiste? Vous en doutez, la réponse est non. Et pour comprendre pourquoi il règne ce chaos dans le nord du pays, il faut faire un peu d'histoire. En fait, le Mali n'est pas du tout un état-nation, comme beaucoup de pays africains d'ailleurs. Il a simplement hérité des frontières de la colonisation et personne n'a vraiment demandé leur avis aux différentes populations. On a donc une très grande diversité ethnique. Avec, pour résumer simplement, des groupes plutôt arabo-berbères au nord, où vivent notamment des Touaregs, et des groupes plutôt noirs subsahariens au sud. Et sur les 18,5 millions d'habitants que compte le pays, seuls 1,3 million vivent dans le nord. On a donc une densité très faible. Cette région connaît un climat désertique, elle est traversée par un bout de Sahara ainsi que par la bande sahélienne, tandis que le sud est plus humide, on entre dans l'Afrique subsaharienne verte. Mais malgré ce climat chaud et sec, le nord a été au cours de l'histoire une région florissante. C'était un point de passage commercial entre le Maghreb et l'Afrique noire. À Tombouctou, l'or était négocié et échangé. C'était aussi une zone d'extraction de sel, denrées chères. Mais ces atouts se sont estompés peu à peu avec les nouvelles routes commerciales maritimes, et durant la colonisation, l'occupant français a largement valorisé le sud du pays. Puis en 1960, le Mali gagne son indépendance. Et comme durant la période coloniale, les élites politiques, culturelles et intellectuelles vont se concentrer largement au sud. Le nord est délaissé et marginalisé. De plus, dans l'imaginaire des populations noires sudistes, les tribus Touareg nomades du nord sont le symbole des razzias et ont été un temps partie prenante dans l'organisation de la traite des noirs à travers le Sahara. Donc pour plein de raisons, historiques, géographiques, climatiques, culturelles, on a un clivage entre les deux régions. Par ailleurs, en 1957, avait été mis sur pied par la France un projet visant à établir un groupement administratif des régions du Sahara, l'OCRS, l'Organisation commune des régions sahariennes, incluant le nord du Mali. L'objectif était la mise en valeur, l'expansion économique et la promotion sociale des zones sahariennes, un espoir pour les populations du Nord-Mali. Mais après l'indépendance, en 1963, le gouvernement malien décide de sortir de ce projet. Il craint qu'il n'entrave ses volontés de construire un État-nation. Ça n'a pas plu aux nordistes, car ça aurait été pour l'occasion de se développer économiquement. Au nord, on a donc depuis près de 60 ans un véritable sentiment d'abandon de l'État. Et à côté de ça, vous avez une partie de la population Touareg qui réclame l'indépendance de ce qu'ils appellent l'Azawad, qui correspond à la région nord du pays. En fait, une première rébellion Touareg a lieu juste après l'indépendance du Mali, en 1963. D'autres rébellions ont même lieu avant, pendant la période coloniale. Je les détaillerai pas ici, mais ça montre l'ancienneté des revendications. Et cette rébellion de 63 aboutit à une reconnaissance du caractère spécifique de la région nord, et un statut spécial est accordé. Mais ça ne suffit pas aux indépendantistes Touareg. Et 3 autres rébellions auront lieu. Une en 1990-91, une en 2006 et une en 2012. Voilà, juste avant la prise de contrôle du nord du pays par les djihadistes. Et en fait, ces deux éléments sont complètement liés, car la conquête du nord du Mali n'a pas été accomplie que par des groupes terroristes, mais également par des groupes indépendantistes, dont le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad. Le MNLA est composé de rebelles indépendantistes, de déserteurs de l'armée malienne, mais également de combattants libyens, ceux dont je parlais tout à l'heure et qui ont fui la chute du régime de Kadhafi. Une grande partie d'entre eux étaient des Touaregs. Il y a donc une grande porosité entre le MNLA et les groupes djihadistes, surtout Ansardine, qui est essentiellement composé de Touaregs. En fait, Ansardine a été fondée par Iyad Aggali, un ancien indépendantiste radicalisé durant les années 2000. Des combattants passent donc d'un groupe à l'autre, et les deux se sont même alliés avec les autres groupes djihadistes durant la prise du Nord Mali en 2012. Mais le MNLA est rapidement mis de côté, et des affrontements ont même lieu entre les deux parties. Et au final, durant l'opération Serval, une partie du MNLA va soutenir les forces françaises en leur fournissant notamment des informations. Aujourd'hui, le MNLA est affaibli, il ne revendique plus l'indépendance, mais simplement l'autonomie et l'autogestion de l'Azawad. Alors, si on récapitule un peu, au nord, on a 3 partis différents. Des djihadistes, qui revendiquent la mise en place d'un État islamique appliquant la charia, des Touaregs, qui revendiquent l'autonomie de l'Azawad, et l'État malien, qui tente tant bien que mal d'asseoir son autorité sur ce territoire, aidé par des forces étrangères. Le nord du Mali est une zone, on peut le dire, presque de non-droit, avec un État très peu présent. C'est une zone exclue politiquement et économiquement. Les populations rurales sont très pauvres et n'ont que peu d'espoir quant à leur avenir, et certains habitants décident donc de s'engager dans ces groupes rebelles, qu'ils soient djihadistes ou autonomistes. Alors attention, ça ne veut pas dire que toute la région nord rejette l'État malien. Et comme dans la plupart des conflits, ce n'est qu'une toute petite partie de la population qui participe au combat. Et de nombreux habitants ne rejoignent ni l'idéologie djihadiste, ni l'idéologie autonomiste. Mais la situation de la région facilite les mouvements armés. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais il y a quand même une question qu'on ne s'est pas posée. Que vient faire la France au Mali? Quel intérêt? Alors l'intérêt, comme souvent, est en partie économique, mais aussi géopolitique. En fait, la région du Sahel est très riche en ressources naturelles. Or, uranium, bauxite, pétrole, gaz, et j'en passe. En fait, la France a intérêt à sécuriser la région. Et repousser les groupes rebelles dans le nord du pays en 2013 fait partie de cette sécurisation. Ensuite, l'opération Barkhane répond à la nécessité de protéger les ressources naturelles à plus long terme. Mais en fait, le nord du Mali spécifiquement est moins stratégique que d'autres régions du Sahel. Deux zones seulement ont un potentiel d'extraction d'uranium, près de Gao et de Kidal, et les sous-sols du nord-ouest renferment du pétrole et peut-être du gaz. Mais si on élargit un peu le scope, on se rend compte que la France est présente surtout au Niger, avec plusieurs sites d'extraction d'uranium exploités par Areva, et dans la région du Taoudéni, à cheval entre la Mauritanie et donc le nord-ouest du Mali, où est présente Total pour le pétrole. Et même si elles ne sont pas exploitées par des entreprises françaises, il y a également des mines d'or dans le sud du Mali, le pays le troisième exportateur en Afrique. On a donc des zones stratégiques parfaitement à proximité de la zone de rébellion en 2012-2013. La crainte était donc de voir cette rébellion s'étendre de plus en plus au Sahel et menacer les ressources naturelles, d'où l'opération Serval. Puis l'opération Barkhane est économique et aussi diplomatique. En appuyant les pays africains, la France augmente ses chances de voir des exploitants français s'implanter dans ces pays. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, mettez un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous, activez la cloche des notifs pour être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez me soutenir, il y a toujours la plateforme Tipeee, le lien est dans la description. Voilà, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands messes. Ils étaient vieux avant d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse. Laisse au visage un teint de cendre. Ou notre monsieur, ou notre bon maître. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Mais pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Ou notre bon maître, ou notre monsieur. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Et pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur ils survivaient, c'était pour partir à la guerre. C'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'honneur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Et ils mouraient à pleine peur, tout miséreux où notre bon maître, couvert de prêtres, où notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de long d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi m'as-tu tué, Jaurès? Mais pourquoi ont-ils tué Jaurès? La revue de presse. La revue de presse. Alors, par exemple, vendredi 20 décembre 2019. C'est pas si ancien que ça, ça fait qu'un mois, quasiment. Amélioration de la vie des maires, ce que dit la loi. Alors, agression, poursuite judiciaire pour pouvoir réduire au profit des agglomérations, le gouvernement présente une loi qui veut redonner lustre et prestige au mandat municipal. Eh ben voilà, eh ben c'est bien, ma foi. On verra bien, hein? Ah oui, on fait confiance au départ, un peu. Argent, études, toujours le vendredi 20 décembre 2019. Les 10% les plus riches ont la moitié du patrimoine. La pauvreté et les inégalités de revenus sont réparties à la hausse, avait pointé l'INSEE dans son portrait social de la France publié fin novembre. Le tableau du patrimoine des Français, publié jeudi, dessine un hexagone encore plus fracturé. Alors vous imaginez, hein, on est à la radio évidemment, par la télévision, un hexagone fracturé. Hein. Voilà, et oui, c'est ça, la répartition de la richesse et de la pauvreté. La ludothèque de Remiremont se bat pour échapper au mauvais sort. Alors c'était le 21 décembre 2019. Espérons qu'ils ont gagné leur bataille et que le mauvais sort va arrêter de s'acharner. Le département porte dans son ADN l'esprit olympique. Le département porte dans son ADN l'esprit olympique. Ça ressemble, vous savez, au message touloulout, touloulout. Hein, les Français parlent aux Français. Les services de police saisissent 1,5 kg d'héroïne. Ça, c'était aussi le 21 décembre 2019. Le service régional de police judiciaire de Nancy, SRPJ, vient de mettre la main sur 1,5 kg d'héroïne caché dans le véhicule d'un spinalien. L'homme de 33 ans a été interpellé et sera jugé prochainement. Voilà, il sera jugé moins vite qu'un gilet jaune qui portait un gilet jaune et puis qui se comportait en gilet jaune. Hein. Ah oui, ah ben bien sûr, ah ben oui. Hein. Mais je rappelle quand même qu'un kilo 5 d'héroïne, c'est une grosse quantité par rapport à ce qui se vendait il y a 30 ou 40 ans. À l'époque, je crois que quand il y avait un article dans le journal sur la drogue, c'était les douaniers ont saisi 60 grammes de hashish, de je sais pas quoi. Hein. Et maintenant, c'est par kilo et même par tonne. C'est grave. Les incendies qui ravagent le monde, la misère qui ravage le monde, le chômage qui ravage le monde, et la drogue qui vient par-dessus tout ça, dans les interstices du pouvoir, hein, comme par hasard. Oui, peut-être que du pain et des jeux, il faut donner pour avoir la paix, disait Néron, hein, à propos du peuple romain. Oui, pour avoir la paix, on donne du pain et des jeux. Un peu de pain, des jeux. Et puis, les gens, ils s'intéressent plus à rien, ni à la politique, ni au syndicalisme. Et comme ça, on peut les tondre, on peut leur faire subir tout ce qu'on veut. Alors, suicide à France Télécom, les dirigeants condamnés. Après une série de suicides de ses salariés, France Télécom était devenue le symbole de la souffrance au travail. L'entreprise et ses ex-dirigeants, dont l'ancien PDG Didier Lombard, ont été condamnés vendredi pour un harcèlement moral institutionnel. Harcèlement moral institutionnel. On n'imaginait jamais que des choses comme ça seraient possibles. Hein. Brexit. Un an pour limiter la casse. Une certitude se dégage des élections britanniques. Plus de 3 ans après le référendum et 47 ans après son entrée dans le marché commun, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne. Reste à savoir quand et surtout comment, avec ou sans accord. Alors là, c'était le 14 décembre 2019, depuis un peu de temps passé, mais bon, est-ce que la situation a beaucoup évolué? C'est pas sûr. Le même sujet peut donner différents articles de journaux à différentes émissions aussi, à différentes époques, sans que grand chose ait changé entre temps. Ah oui, on s'habitue à ça, au non-changement. Samedi 14 décembre encore, 2019, un hôtel de luxe dans les locaux de la Banque de France, à Remiremont. Vous vous rendez compte? Un hôtel de luxe dans les locaux de la Banque de France. C'est pas moi qui invente ça, hein? On n'est pas mauvaise langue à RGM, hein? C'est écrit dans le journal. Allons, un hôtel de luxe dans les locaux de la Banque de France. Alors ça, si c'est pas un symptôme et un symbole de l'évolution de la société, alors là, bon, les nombreux oublis de Delevoye, alors fragilisé par des accusations de conflit d'intérêts, un cumul de fonctions interdit, mais aussi par de nouveaux oublis dans sa déclaration d'intérêts, Jean-Paul Delevoye, haut commissaire aux retraites, pourrait connaître un départ anticipé du gouvernement. Ça, c'était ce qui était écrit dans Vosges Matin le dimanche 15 décembre 2019. Et depuis, on a appris que Jean-Paul Delevoye avait quitté le gouvernement. Voilà, voilà, voilà, voilà. Et puis, il était remplacé par quelqu'un qui est encore plus incompétent que lui. Voilà, ben, ça rassure les électeurs, les consommateurs, les assurés sociaux, les contribuables, les citoyens, quoi. Hein, oui, tout ça, on voit qu'on est gouverné par des drôles de personnes qui ont de drôles d'idées, de drôles de façons d'agir. Vince et conseil municipal, des photovoltaïques pour les ateliers municipaux. Point d'interrogation. La dernière réunion du conseil municipal a évoqué le projet d'installation de panneaux photovoltaïques pour les ateliers municipaux. Une initiative dont le coût de l'installation devrait être supérieur à 86 000 euros, c'est-à-dire le prix actuel. C'est encore relativement cher, les panneaux solaires. Je trouve que c'est étonnant. Ça pourrait être moins cher, sans doute. Sortie d'usine, c'est sans doute pas le prix. Mais voilà, si on mettait trop de panneaux solaires, les gens deviendraient indépendants, ils produiraient leur électricité eux-mêmes, et puis on achèterait moins d'électricité, donc il faudrait fermer des centrales nucléaires. Alors, voilà. Voilà peut-être pour ça qu'il ne faut pas trop baisser le prix d'achat des panneaux photovoltaïques. Hein, oui, peut-être. Hein. Ah oui, oh, c'est à jamais. Le 18 décembre 2019, alors le journal disait SNCF, priorité aux vacanciers de Noël. Eh ben, ce n'a pas été tout à fait le cas. Ben non, les gens qui se mettent en grève, qui perdent leur salaire, ils veulent quand même pas perdre tout pour rien. Listes électorales, des recours pour s'opposer aux radiations. Ah. Cet ancien journaliste, candidat sur une liste d'opposition aux dernières municipales, est d'autant plus secoué qu'il a, répète-t-il, toujours voté au tuyau. Au tuyau. Je paye mes impôts au tuyau. Et j'acquitte ma taxe des ordures ménagères au tuyau. Perplexe, il finit par se demander si derrière cette missive, il n'y a pas malice. Oh, oh, oh, oh, malice. Il y aurait malice quelque part. Il n'y a pas malice à l'éloigner de la vie politique du tuyau. Car Jean-Paul est en questionnement pour se positionner sur une liste en mars prochain. Ah. Ah oui, les élections municipales ne sont pas commencées que déjà. Il y a des sortes de choses qui ressemblent vaguement de loin, en regardant vite et en regardant pas trop bien, à des magouilles. Hein? Oui. Une nouvelle journée de mobilisation mardi 17 décembre, ça c'était le journal de vendredi 13 décembre, eh bien la manifestation en question, elle a eu lieu, et il y a eu beaucoup de monde, plusieurs milliers de personnes, eh oui, ben oui, il fait froid, c'est humide, etc., mais les gens, ils font quand même l'effort de faire des sacrifices pour essayer de faire avancer le public, qui refuse d'avancer. Enfin, on refuse de le faire avancer. Laurent Anthony, responsable programme hydrogène et pile à combustible au CEA Litten, et président de Hydrogène Europe Research. Hydrogène Europe Research, oui. L'hydrogène est considéré comme un vecteur énergétique. Ah, ah. Pourquoi l'Union européenne semble désormais s'intéresser très sérieusement à l'hydrogène? Avec le pacte Green Deal, l'Union européenne souhaite que l'Europe devienne le premier continent climatiquement neutre au monde d'ici à 2050. Ce qui change, c'est que l'hydrogène décarboné n'est plus considéré seulement comme un carburant pour les transports, mais comme un vecteur énergétique au même titre que l'électricité, le gaz ou la chaleur. Bon, si on s'y met, hein, il y a moyen de faire des choses, il y a moyen d'améliorer. Nappe des GTI, c'est le silence radio. Eh non, Jean-François, c'est pas le silence radio, puisqu'on parle sur les antennes de Radio Guémozo, qui a été fondée il y a 40 ans. Eh oui, 1981, Radio Guémozo, qui s'est appelé un temps Radio Trait d'Union, à Rue-sur-Moselle, rappelez-vous. Gouvernement, nomination, retraite, un ex-DRH pour manager la réforme. Manager. Et Wiesmann is a manager. Ah, cet homme-là est un manager. Et il s'appelle Laurent Pietraszewski, il a 53 ans, il remplace Jean-Paul Delevoye au gouvernement. Alors, il a été invité à répondre à des questions du Sénat. Les sénateurs ont posé quelques questions et ils étaient très, très étonnés, pour ne pas dire choqués, vexés, énervés, de voir que cet homme-là ne connaissait pas du tout le dossier qu'il était censé défendre. Eh oui, c'est un ministre réforme parachuté, et il n'a pas eu le temps d'apprendre la leçon, et voilà, on lui pose des questions, il peut pas y répondre. Eh oui, et surtout que tout ça, ce projet-là, il est extrêmement flou, il n'y a rien de chiffré, hein. Voilà, on joue avec l'avenir des gens, c'est quand même proprement, je dirais pas le mot, hein. Oh non, faut pas dire des gros mots à l'antenne. Il faut pas. Le conseil municipal des jeunes s'inspire de Greta Thunberg. C'est à Remiremont. C'est bien ça. Voilà. Greta Thunberg. À Remiremont. Non, elle n'est pas venue à Remiremont. C'est le conseil municipal des jeunes qui s'est inspiré de ses discours à Greta. Le féminicide 2020. La fin des années noires. Point d'interrogation. C'était le mardi 7 janvier 2020. Alors, on se demandait, face aux gendarmes, des actrices jouent le rôle des victimes. Et puis, il y en a un autre qui se posait la question, sera présente, vous savez, la ministre qui s'occupe attentivement, positivement, fortement des problèmes de la vie des femmes. Comment elle s'appelle déjà? Oh, ben je l'ai oublié. Hein? Oui, bon, ben voilà, ben, peut-être que ça me reviendra. Je croyais que c'était écrit dans le journal. Eh ben non, ils n'en ont pas parlé. Ils ont oublié la ministre. Alors ça, c'est embêtant, ça. Hein? Ah oui. Non, ce ne sont pas les drames familiaux ou des crimes passionnels, ce sont des féminicides conjugaux perpétrés par des hommes frustrés qui pensent détenir un permis de tuer. Ça serait à étudier attentivement, ce genre de phrase. Hein. C'est le nombre de femmes victimes de féminicide depuis le 1er janvier, 4, selon le collectif Féminicide, par compagnon ou ex. Voilà, alors Marlène Schiappa, vous voyez, comment on est ingrats, nous autres, les électeurs. On a des ministres qui font un travail. Oh là là là là, on voit les choses changer à vue d'œil du jour au lendemain. Constamment ça change, toujours. Et puis on les oublie. Il suffit qu'ils paraissent pas à la télé pendant 3-4 jours et on les oublie, y compris leur nom. Ça c'est de l'ingratitude. Hein. Eh oui, je m'inscris sur la liste des ingrats. Eh oui. Mediator, Servier m'a volé 13 ans de ma vie. Eh oui, le Mediator. Et cette affaire-là n'est toujours pas réglée, hein. Bon, non, pas de danger. Alors, réforme Macron, pourquoi la retraite par points, c'est de la retraite en moins? Parce que l'objectif, c'est de réduire la part des dépenses de retraite distribuées, bloquer les ressources publiques, affecter aux retraites à 14% du PIB ne permettra pas de répondre aux besoins. Allongement de la vie, augmentation du nombre de retraités. Allongement de la vie, c'est pas sûr, hein, parce que depuis un certain temps, l'allongement de la vie, il aurait plutôt tendance à piétiner, hein, depuis l'arrivée au pouvoir de Macron, mais pas seulement, déjà ça commence un peu du temps de Hollande et puis du temps de Sarkozy, Hein, oui, oui, ces gens-là ont œuvré dans le même sens. Alors, tiens, un autre truc écrit en lettres gothiques, là. Ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Qui disait ça? Qui écrivait ça? Eh bien, c'est un certain Léonard de Vinci. Il y a quelques siècles. Eh oui, 5. 1942-1943. Collaboration ou résistance? Choisis ton camp. Ouais. Ensuite, là, tiens, Jacques Chirac, on a beaucoup parlé de Jacques Chirac, on l'a quelque peu encensé il y a une époque. Alors, cet homme-là, que Macron va célébrer lundi, Marlène Schiappa sera là, hein? Est-ce qu'elle sera là, Marlène Schiappa? Oh ben, ça, c'est un truc déjà un peu ancien, hein. Jacques Chirac, pour moi, la femme idéale. Alors, c'est entre guillemets, et ça se termine par des points de suspension. Alors, pour moi, la femme idéale, c'est la femme corrézienne. Celle de l'ancien temps, dure à la peine, qui sert les hommes à table, ne s'assied jamais avec eux et ne parle pas. Ça a été publié dans le Figaro magazine de janvier 1978. C'est en 78, hein. Oh oui, les années 70, on était encore en retard à ce temps-là. Ah oui, depuis, on a devenu drôlement moderne, hein. Oh oui, oui, il dirait plus des choses comme ça, Chirac. Ben non, parce qu'il, premièrement parce qu'il est mort, et puis, parce qu'il aurait lui aussi évolué, bien sûr, hein. Ah oui. Alors, quoi d'autre encore? Tiens, pris au hasard des petits papillons avec des choses écrites dessus. Jacques Chirac, c'est les emplois fictifs. Les détournements de fonds avec les HLM de Paris, le trucage des marchés publics des lycées d'Île-de-France, la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, en 1986, déjà, le plan Juppé, la réforme des retraites de 2003, déjà, l'évacuation brutale des sans-papiers de l'église Saint-Bernard en 1996, le raciste du bruit et de l'odeur, la reprise des essais nucléaires en Polynésie, la France-Afrique et les réseaux Focard, la mort de Malik Oussekine, le massacre de la grotte d'Ouvrea, point de suspension, parce que l'énumération n'est pas exhaustive, sans doute, loin de là. Pas d'hommage, ni oubli, ni pardon. C'est la marionnette des Guignols que vous regrettez, pas lui.